demander d'avoir du vécu. Chacun de nous pense posséder le monopole de la souffrance. On arbore fièrement nos cicatrices et on aime à rappeler à quel point nos vies sont tristes et cruelles. On est le nombril du monde et tous prétendent avoir grandi à l'ombre du bonheur. On se fait notre ciné dans le vacarme de nos plaintes. Y'a tant de gens qu'on n'entend même plus pleurer. Tu sais, on ne souffre pas qu'en banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. Même dans les beaux quartiers, les sourires sont des masques. On n'achète pas le bonheur sans qu'un jour le temps nous démasque. La détresse n'a pas de couleur. Réveille-toi, sous combien de peaux blanches se cache la douleur. Chacun ses secrets, emmurés dans le silence. Ces hémorragies internes qui nous font pleurer en silence. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Mal-être chronique, nos douleurs qu'on traîne. On espère qu'elles disparaissent, mais en fait elles hibernent dans les vers de nos plaies. Nos cœurs la renferment. C'est une peine sans sursis. À vie c'est une ferme. Et on se cache pour pleurer. Si on sourit au monde, c'est en espérant le leurrer. Parce qu'au fond, qu'il faut réellement savoir ce qui nous tue et ce que l'on est. Les gens se contentent de se comparer, pas vrai. Souffrir sans pouvoir le dire, c'est pire. Moi j'ai encore la chance de l'écrire. Alors je chante pour celles et ceux qui meurent de leur vivant dans des drames silencieux. Boulimie de douleur, anorexie de bonheur. Tous chantonnent leur vie en ré mineur, mais mineur. Chacun ses secrets, emmurés dans le silence. Ces hémorragies internes qui me font pleurer en silence. Sans venir de la banlieue, partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue, partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Ne crois jamais être le seul à pleurer de quoi inonder le sol. Certains enveloppent leur tristesse dans un linceul, mais seuls, ils finissent pleureurs comme le sol. Écoute pas trop les cœurs, ils font poum poum au rythme des peurs. Poum poum, chacun porte son fardeau. Les cœurs gèlent et prennent les faux semblants comme manteau. Quand d'autres se replient dans la violence, se cachent derrière l'arrogance, traduisent leur tristesse par l'insolence. Les gens cachent leur douleur, se tiennent debout comme des arbres. Mais leurs branches sont d'argile, du cristal sous du marbre. Les blessures mortelles sont celles qu'on ne peut confier. Si on se sent asphyxié, c'est qu'on tente de les étouffer. Chacun ses secrets, emmurés dans le silence. Ces hémorragies internes qui nous font pleurer en silence. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Paris, on pleure en silence. New York, on pleure en silence. Kinshasa, on pleure.